Polonderie, malgré un handicap laissé par un nom ultra composé, avait jusque-là bien cheminé dans la société. Mais un beau jour au déjeuner, des jouets chinois il a mangé. Des jouets chinois il a absorbé. Depuis ce jour, il est vert, il nuit dans la nuit. Il dévore ses compagnons, il fait peur à ses parents. Il a adopté une tondeuse et partout elle le suit. Son psy ne pige plus son comportement. Qui lui a donné ce petit jouet chinois? Pour Noël, c'est l'oncle Pipon, je crois. Qui lui a donné ce petit jouet chinois? Pour Noël, c'est l'oncle Pipon, j'en suis sûr. Ah, dit sa grande sœur, moi dans mon jeune temps, on recevait pour Noël des jeux vidéo et des gadgets électroniques. C'est pas très bon pour la forme, mais aucun danger de s'empoisonner. Son père en recevait des jeux de société, destinés à développer le mental et autres facultés. Ou encore des jouets éducatifs, en terre cuite de préférence. Rien à manger dans tout cela. Mesdames et messieurs, place à l'ancestral de service. Nous autres, dans notre jeune temps, on se cassait pas le coco. Nous autres, dans notre jeune temps, on se cassait pas le ciboulot. Pour Noël, on avait une pomme puis une orange. Ou encore, on avait une orange et puis une pomme. Oh non, pas encore de la maudite nostalgie. Ouais, mais c'est vendeur.